Pour qu'il n'ait pas un goût amer, fais-toi tout doux, tout miel. L'amour fragile, c'est toujours la même affaire. Un petit rien tout tombe par terre. Pour qu'il n'ait pas un goût de fiel, fais-toi tout doux, tout miel. L'amour fragile, je l'ai connu. Un beau matin, il y a des années mais pas si loin, 6 ou 18 ans, je ne m'en souviens plus. Premier regard, premier recoin, premier bisou, premier câlin, premier constat facile. L'amour fragile, tu peux le voir passer au loin, tu peux le tenir par la main, si tu lui cours après, tu le rattraperas jamais. Tu peux lui dire un peu beaucoup, passionnément à la folie. Souvent il se défile. L'amour fragile, c'est toujours la même affaire. Du temps pour faire beaucoup d'effets. Pour qu'il n'ait pas un goût amer, fais-toi tout doux, tout miel. Demande-le.